ouais, ça a été une belle journée, pas de problème. Bien roulé tout le long, pas de faute. On est là, troisième. Vu les conditions de route, c'est pas mal. Et donc, je suis plutôt content de la première journée. Hirvonen a une bonne position de route, mais par contre, il commence à être loin. Donc, c'est pour ça que je préférais pas essayer de faire de tactique. On a continué à attaquer jusqu'au bout. De toute façon, Solberg et Ogier étaient devant à la régulière. Il n'y avait pas besoin de lâcher pour être derrière. Donc, maintenant on est dans une position qui est pas mal effectivement pour demain. Je pense que les conditions de route ici sont très pénalisantes d'être devant. Je pense pas que ça justifie une minute. Donc, je pense que notre voiture est mieux que la leur aussi ici. Pourquoi, on n'en sait rien. Mais déjà dans le passé, on a tout souvent été bien au Mexique. C'est difficile d'être serein, c'est piégeux. On est sur le fil tout le temps, ça roule fort. Donc, on n'est pas à l'abri d'une erreur. On s'est fait quelques chaleurs aujourd'hui. Et donc, on peut pas être serein. Mais bon, pour l'instant, tout se passe plutôt pas mal.